Runway. Qui j'en sais pas, m'pas qu'à comprendre, ça qu'à vivre comme si pas ni problème. Pourtant, ça sav, la vie, la reine, qui j'en sais pas, pour personne qui aime. Soukla, c'est ça le médicament. Sous-classe, c'est ça le médicament, non? Sous-classe, c'est ça le médicament.